écoutez Radio Veillez et Priez, une radio web chrétienne qui diffuse les enseignements sur la fin du temps et le retour de Jésus-Christ. Comme ça. Mais j'étais vraiment toute surprise. Amen, ma soeur. Amen, amen. Et oui. Alors, frère. Tu veux faire, je vais faire un petit livre. Et j'ai vu les gars, j'ai vu. Shalom, frère Junior. Shalom, frère Aristide. Hey, shalom, shalom à vous. Comment tu vas? Ça va très bien. Non, c'est que tout ce qu'il vient de dire, là, ça me rappelle aussi un songe que j'avais fait. C'est-à-dire que ce songe-là, c'est un songe que j'ai fait quand je fais au mois de août 2017. C'est si comme j'étais poursuivi par toute une foule. En fait, ils voulaient ma mort. Donc, une première fois, ils n'ont pas pu m'attraper. Une deuxième fois, ils m'ont vu. Ils sont en train de dépêcher et cette fois-ci, ils m'ont pris. Et après, ils sont allés m'enterrer au bord de la mer. Où il fallait que je meure par étouffement des vagues. Donc, ils m'ont mis dans un cercueil, puis ils ont creusé un trou et ils ont mis le cercueil à l'intérieur du trou, au bord de la mer. Peut-être que quand la pluie va venir, quand les vagues vont venir, tu puisses mourir. Mais malheureusement, les frères morts ont laissé son passage. Oui. Quand je suis devenu, et puis j'étais devenu comme une nouvelle créature d'une nouvelle dimension. C'est-à-dire, même s'ils me représentaient devant eux, là, ils n'aient pas pouvoir m'appeler et me reconnaître. Et puis dans mon cœur là-bas, le message m'est venu, c'est que j'étais immortel. Et puis, alors, l'idée qui est venue de ma tête, c'était d'appeler un couturier, oui, pour qu'il me fasse des habits. Donc, tout à l'heure, quand Christine parlait de... Il a vu le frère en train de coudre des habits. Donc, ça concorde. Frère Aristide. Amen. Le frère Junior est là. Oui. Il n'y a pas de problème pour la vue. Le frère ici, c'est comment? Allô, frère ici. Les gens, c'est le pratique. Jacques est là. Salut Jacques. Allô, Frère Jacques. Allô. Oui, Christine, c'est comment? Bien arrivé. Oui, ça va. Merci beaucoup. Et ta connexion? Ah, shalom, mon frère. Shalom. Et je disais que vous sortez de la concorde avec le frère Junior. Est-ce qu'il n'a pas fait coutume une fois? On lui demandait. Ah bon? Ah. Ah, s'il est là, tu vas lui demander, tu l'as fait pour tu. D'accord. Sûrement c'est un grand futurier. Il a été futurier pour Jésus-Christ. Ah, amen. Et que sa vie même était déjà... De toute façon, il était destiné à exercer dans le métier de Jésus. Ah. Dans toute activité, il était une formation pour ça, le ministère futur. Ah ouais. Alors, dis quoi? Donc, bonsoir, mon frère Aristide. Bonsoir, frère Jacques. Ça fait un bon moment. Oui, c'est la première fois qu'on me pose. Oui. On ne s'était pas testé de temps en temps, mais maintenant c'est. Nous sommes ensemble. C'est ça. J'ai beaucoup aimé le résumé là, parce que la connexion m'a forcé compagnie. Le dimanche passé là. Ouais, pour le dimanche passé, ok. La réunion du dimanche là. Non, c'est le jeudi. Oui. C'était le jeudi. Je n'ai pas prêt à participer, mais je me rends compte que la connexion était finie, vraiment finie. Ah, d'accord. Ah. Et avec les humains, ça m'a fait mal. Oui. Je n'avais pas bien entendu quand je suis rentré. J'avais un souci de réseau là, j'ai dû t'aimer pour redémarrer, mais tu étais en train de parler. Tu es en train de dire quelque chose, je n'ai pas entendu. J'aimerais que par rapport à la culture, j'aimerais que si c'est possible, tu le reprennes. La seule qui t'a fait un son, elle m'a parlé par rapport à ça. Ok. D'accord. On a quelque chose pour aujourd'hui, un thème. Bon, moi je souhaiterais. Est-ce qu'on a un thème aujourd'hui? Bon, on passe une visitation des instructions et puis, si possible, passer en revue tous les passages bibliques. Les lits, tous les passages d'ici possible, bon, et puis bon, on passe en fait. Maintenant, attention, le frère est là. Bon, s'il veut intervenir, bon, voilà. Voilà. Maintenant, la question que moi j'aurais posée par rapport au thème. Du jour où tu as commencé demain, désirer et chercher sa sainte présence. Qu'est-ce qu'on entend par cela? Comment est-ce qu'on comprend ce thème-là? Chercher, désirer et chercher sa sainte présence. Après avoir parcouru tout le temps, qu'est-ce qu'on a pu faire de ce passage? Bon, tu peux intervenir? Oui, vas-y. Allô? Oui. D'accord. Bon, par rapport à ce thème, je sais que avant de commencer ce thème, il y a beaucoup d'enseignements que le frère avait commencé par rapport à. Bon, le frère avait commencé beaucoup d'enseignements dans ce sens par rapport à l'incrédulité, par rapport au réveil. Il y a le réveil, l'incrédulité, ensuite la soumission totale, ensuite la mauvaise pensée. Je pense que c'est pour aboutir à ceci qui est le fait de chercher sa sainte présence. Donc, on devait comprendre tous ces enseignements, écouter tous ces enseignements d'abord, avant de pouvoir savoir dans quoi on est en train de se mettre. Donc, la sainte présence du Seigneur, dans la sainte présence du Seigneur, c'est le fait de se revoir, d'abord de se revoir et de se mettre dans sa présence. Se mettre dans sa présence et de l'inviter tout simplement afin qu'il fasse toute son œuvre à nous. Voilà. Vas-y, vas-y. C'est tout? Non, non. Non, oui, pour moi, c'est bon, mon frère. C'est bon. Frère, allô? Oui, oui. Oui, je oui, par rapport au thème, désirer et chercher sa sainte présence, qu'est-ce que tu comprends par rapport à ce thème? Est-ce que tu as compris? Désirer et chercher sa sainte présence. Bon. Ah là là. Parce que désirer, c'est quelqu'un d'abord qui a le cœur tout petit qui est fixé vers le Seigneur d'abord. Désirer, c'est pas là qu'il comprend désirer. Maintenant, chercher ça, c'est de se donner cause et de faire de ça sa passion première. Le but ultime de tout chrétien, c'est de vivre pleinement en Christ. On va essayer un peu en quelques mots comment je comprends la partie. Comprendre le thème. Désirer et chercher sa sainte présence. Donc, c'est chercher donc à se rapprocher de la présence du Seigneur pour partager. Donc, pour cela, il y a des dispositions particulières que nous devons prendre pour nous rapprocher de la présence du Seigneur, pour partager sa sainteté. Cela est Aristide, ton micro, s'il te plaît. Cela nécessite donc un travail permanent que nous devons faire sur nous-mêmes. Comme tout à l'heure, Jacques venait de le dire, il y a eu préalablement des enseignements que nous avons eu à écouter et réécouter. Voilà. Qui nous permettent donc d'être dans les dispositions pour entamer ce moment de ce climat très important donc, pour l'Église du Seigneur. Ok, moi je vais ajouter simplement pour dire que je pense que c'est une longue marche hein, qui est dans sa phase d'accomplissement maintenant. Vous verrez bien que ce n'est pas fortuitement que le frère a créé les différents groupes de sainteté. France dans la sainteté, Côte d'Ivoire dans la sainteté, Cameroun dans la sainteté et autres. C'est pour un but bien précis. Parce que je me rappelle dans un enseignement, le frère avait donné cet enseignement en disant que pour rencontrer le Seigneur, il fallait se préparer. Et dans cet enseignement-là, il avait pris Exode 19 et puis Apocalypse 19. Où le peuple, avant de rencontrer le Seigneur, avait fait une certaine préparation. Voilà. Une certaine préparation pour que le Seigneur vienne à leur rencontre. Donc, ces groupes de sainteté-là ont été créés dans le but de préparer nous, chrétiens, à vivre patiemment et tranquillement, à préparer nos cœurs, surtout pour que le Seigneur vienne habiter ces cœurs-là. Dans ces groupes de sainteté-là, ont été créés pour amener nous, frères et sœurs, à libérer notre cœur, à engager une nouvelle marche chrétienne pour que le Seigneur vienne totalement habiter nos cœurs. Désirer, c'est quoi? Désirer, c'est aspirer fortement quelque chose. Sa sainte présence. La présence du Seigneur est sainte. Donc, on ne peut pas rentrer dans une sainte présence en étant sale. C'est en cela qu'il y a eu le frère dans un enseignement avec la France, avait, le Saint-Esprit avait demandé à ce qu'il y ait un mois de jeûne, pour que les cœurs soient préparés à cela. Donc, il y a eu un jeûne de un mois qui a été fait. Bon, ceux qui pouvaient le faire l'ont fait. Et ensuite, il y a des enseignements, comme l'avait dit, des enseignements qui venaient appuyer cette préparation-là. Les enseignements aussi ont été faits, la soumission totale. Il y a eu la prière du cœur, l'incrédulité. Il y a eu aussi la prière présente du juste. On a eu la prière par l'esprit. Donc, tout cela. Voilà, il y a eu aussi les enseignements sur les mauvaises pensées. Donc, tout cela, c'est un processus. Et nous sommes maintenant en face des mêmes processus-là qui arrivent. Parce que, véritablement, on est chrétien. Lorsque on a l'Esprit du Seigneur, alors l'accomplissement des paroles qui ont été dites dans la Bible vont maintenant prendre corps. Parce que si on a le Saint-Esprit, alors ces promesses-là nous sont destinées. Et si on a le Saint-Esprit, alors ces promesses-là ne deviendront plus cette promesse, mais alors elles deviendront une réalité pour nous. Quand on dit voilà les miracles qui accompagnent, sont ceux qui auront cru, c'est les promesses. Il faudrait qu'elles voyagent. Qu'elle prenne corps maintenant dans notre vie de tous les jours. Donc, c'est en cela que désirer et chercher sa fin présente tout son sens. Donc, vraiment, dites-vous qu'il y a de si mauvais. Si vous avez donné de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père vous donnerait-il pas le Saint-Esprit à ce que vous demandez? Tant que nous sommes pour moi, c'est que je vais demander le Saint-Esprit. Alors, il va nous donner. Non, moi, c'est comme ça que j'ai compris ce thème. Amen, amen, mon frère. Amen. Donc, en cela, je veux qu'on prenne le passage de Actes 2, verset 14 à 17. On va relire ce passage-là, un des passages clés que le frère nous a donné. Actes 2, verset 14 à 17. Actes 2, verset 14 à 16. 17. 17, d'accord. Je peux lire? Oui, vas-y, mon frère. Alors. Oui. En ces termes, hommes juifs et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas comme vous le supposez, car c'est la troisième heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens et vos vieillards auront des songes. Amen. Oui, Amen. Tu peux faire une lecture? Bon, tu as été un peu coupé quand tu le disais là. D'accord, je peux recommencer? Oui, vas-y. D'accord. Alors Pierre, se présentant avec les onze, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la troisième heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Amen. Qu'est-ce qu'on peut bien comprendre de ce passage? Allô, c'est assez tout. Oui, allô, allô. Oui, vas-y, frère. Qu'est-ce que tu as bien pu comprendre de ce passage qu'on vient de lire? Ok. Passage de l'Esprit du Seigneur qui devait être déversé sur ceux qui croiront en lui dans les derniers jours. Alors, ce passage avait été prophétisé par le prophète Joël, que dans les derniers jours, les fils et les filles allaient prophétiser. Les jeunes gens auraient des visions et les vieillards auront des songes. Alors, l'apôtre Paul est en train de parler pour expliquer que ces derniers jours, pour expliquer que cette promesse qui avait été faite par le Seigneur est accomplie par la descente du Saint-Esprit. Donc, les jeunes gens, les vieillards vont commencer par avoir des visions, ils vont commencer par avoir des songes clairs et nets. Voilà, c'est tout. Merci. Amen. Amen, amen. Oui, je suis là. Oui, qu'est-ce que tu as vu, tu veux comprendre? C'est pas ça qu'on me donne. Et c'est ce qu'il a dit. Ici, on voit l'accomplissement de la prophétie de Joël. Et on voit que ça, comme tu avais dit aussi, dit, chercher et désirer la parole du Seigneur, on voit un aspect sous forme de promesse. Et ici, on voit aussi dans l'accomplissement concret, c'est-à-dire dans le Seigneur Jésus-Christ, on ne marche plus avec les promesses, mais ça parle maintenant de la concrétisation des promesses, des prophéties qui avaient été annoncées sur le livre. Moi, ce que je peux retenir, c'est que il y a quelque chose qui est dit ici. On dit dans les derniers jours ici, Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et dans les enseignements, je pense que le Saint-Esprit a plusieurs reprises. Elle fait savoir que nous sommes dans les derniers temps. Et donc, si au cours de l'enseignement, toutes les instructions ont été données, il était dit que nous sommes vraiment dans les derniers jours, ça veut dire que les temps que nous vivons sont vraiment à sa fin. Et donc, si le Saint-Esprit a été promis et qu'il va descendre, ça veut dire que véritablement, on ne va pas rater ce cas. Parce qu'il est dit ici, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et c'est cette phase-là que nous avons tous durant l'année 2019. Donc nous devons nous mettre dans la tête et consciemment que véritablement les temps que nous vivons, nous sommes vraiment à la fin. Et les promesses que le Seigneur a faites à travers cet enseignement-là, c'est que le Saint-Esprit va venir. Ça gronde en haut, la pluie arrive. Donc véritablement, on doit prendre conscience que nous sommes dans les derniers temps et que ce que le Seigneur dit là, il l'accomplit toujours. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir, ce qu'il dit l'accomplit toujours. Donc véritablement, nous devons y croire. Moi, c'est ce que je retiens. Il dit oui, mes serviteurs et mes servantes dans les derniers jours. Non, c'est pas ça. Il dit, dans les derniers jours, dit Dieu, je reprendrai de mon esprit sur toute chair, vos filles. Et vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vous verrez des songes. Donc, ça nous situe ici l'époque dans laquelle nous sommes. Donc, il n'y a plus lieu de traîner, il n'y a plus lieu de s'amuser, il n'y a plus lieu de rester dans la compromission. Évidemment, notre marche doit être une marche résolue. Il faut avancer. C'est pour laquelle il ne faut pas rater ce cap. Voilà, moi, c'est ce que je veux. Moi aussi, je voudrais ajouter que, donc, les instructions pour l'Église 2019, le Seigneur m'a dit que c'était le moment de la restauration de l'Église et que l'Esprit veut se manifester. Donc, c'est le moment où que nous serons très fiers d'être appelés chrétiens. Donc, pour être appelé chrétien, il faut se préparer jusqu'à être vraiment scellé. Alors là, nous faisons partie du corps, nous serons maintenant chrétiens. C'est ça. Alors nous pouvons manifester toutes ces promesses-là. On a aussi au cours de l'enseignement. Amen. Oui, amen, oui. Tu veux intervenir? Oui, oui. Bon, j'aimerais, bon, je ne sais pas si c'est fini. Après, j'aimerais demander voir, est-ce que, quelles sont les dispositions pratiques? Les dispositions pratiques que l'on devait prendre à partir de la journée de demain, dans la vie de tous les jours, quoi, pour la bonne marche de ce moment-là. Ah, allô? Bonne question, c'est une bonne question. Vous allez poser cette question aussi. Oui, oui, hein? Disposition pratique. Oui. Par rapport aux jeunes qui commencent là. Oui, par rapport aux jeunes qui commencent demain. Au cours de l'enseignement, l'instruction a été donnée. Et donc, il y a des points qui ont été déroulés. La dernière fois, comme je disais, qu'il était bien de prendre un stylo. Et un cahier et noter tous ces points-là. Donc moi j'ai pu noter des points. Mais vas-y. Voilà. Premièrement, il faut être assidu dans la prière. Il faut se mettre aussi en tête que durant tout le courant 2019, nous devons être en jeûne. Les dispositions pratiques, donc pour cela que les enseignements avaient été rappelés, de réécouter l'enseignement supplié par l'Esprit. Donc, aussi selon Psaume 62, verset 9, Psaume 69, Psaume 65, verset 5, il dit de répandre vos cœurs en tout temps. Ici, s'éloigner des choses de distraction de nos vies, des choses qui peuvent être des pieds d'achoppement de nos vies. Il faut s'éloigner de tout ça. De s'éloigner des choses de distraction de nos vies, des choses qui peuvent être des pieds d'achoppement pour nous. Il faut s'en éloigner totalement. De passer du temps dans sa présence. Afin que la présence du Seigneur soit manifeste au milieu de nous, il faut nous passer. Donc, un autre point encore, c'est de lire Jérémie 29, versets 13 à 15, et prier. Passer du temps dans la prière en lisant ce verset. Tu peux répéter le passage? Oui, il y a le frère qui vient d'envoyer un lien. Comment chercher la présence du Seigneur? C'est un enseignement, je pense qu'il a fait il n'y a pas longtemps. Hein. Oui. Voilà, comment chercher la présence du Seigneur? Je pense que là, ça parle aussi des dispositions pratiques. Hein? Voilà, qui pourraient nous aider à chose, à pouvoir bien vivre ce temps de jeûne du mois de février. Voilà, maintenant, elle a levé un point, je voudrais qu'on revienne dessus. Le point de distraction, est-ce qu'on peut en parler un peu, quand elle parle des points de distraction. Tu peux développer un peu, j'attends pas. Je me suis sommetée. Donc, à chacun qui voit, c'est qui peut être une pierre d'achoppement pour lui. Allô, allô, ma soeur. Hein? Il faut s'en donner. Je te redonne. Allô. Parce que qu'il s'agit d'être constamment en prière et de répandre nos cœurs en tout temps. Donc, ce n'est pas avec le téléphone qu'on le fera. Si c'est la télévision, eh bien, il faut faire sortir la télé. Si c'est quoi? Ça dépend de tout un chacun. Mais nous savons ce qui nous éloigne de la présence même du Seigneur, qu'il faut enlever pendant tout ce mois-là. Non pas seulement pendant tout ce mois-là, sinon aussi pendant les jours à venir. Oui, parlant des points de distraction, est-ce qu'on peut en parler? Frère Steve, Frère Jacques, c'est assez fou. Parce qu'en fait, ce sont des points de distraction de Paris. Oui, mon frère, les points de distraction, bon, comme la soeur le dit, je pense que c'est relatif à chaque personne. C'est relatif à chaque personne. Donc, pour quelqu'un qui est habitué aux réseaux sociaux, par contre, ce n'est pas de s'abstenir, mais de les bannir, de les éviter complètement. De les éviter surtout les Facebook et surtout WhatsApp. Et ça doit être vraiment évité. Ça doit être évité. Et puis les petites discussions d'amusement, de blagues entre les collègues, surtout dans nos différents services, dans nos différents lieux de travail. Et puis, ça doit être, je pense que ça doit être des moments aussi particuliers. Et ça peut, on ne peut pas se permettre de. On doit apprendre à partir de ce moment également à être un peu éloigné de ces genres d'attroupements pour des discussions vraiment. Et puis, pour raconter n'importe quoi. Amen. Amen, amen. Voici. Amen. Allô? Oui, on t'écoute bien. Moi, je pense que j'ai compris. Forcément, je vais commencer par désinstaller un jeu sur mon téléphone ici que je suis beaucoup. Il y a quoi un jeu? Ah bon? C'est un jeu là, je vais désinstaller à la fin même de la communion. Ça, c'est une bonne chose. Et puis, je passe beaucoup de temps aussi avec les amis. Amen. Avec quoi? Avec les amis. Ah. Alors, moi, j'aimerais compléter. Vous savez, ces moments que nous avons passés là, c'est un moment de qualité. Et le temps appartient au Seigneur. Vous voyez, un jour, le frère a fait un enseignement où il a démontré que sur 24 heures, on a. Quand on fait le compile, on n'a même pas 30 minutes pour le Seigneur. À peine 15 minutes. Le matin, on a fait le signe de. On a fait une petite prière au Seigneur là-haut. On est parti. Tout le monde a dit, on n'a même pas de pensée pour le Seigneur. Le soir, on est fatigué là. Ça à peine on dit, oh Seigneur, toi-même tu sais que je suis fatigué. Oh. On parle et puis on dort. Donc, c'est de passer du temps de qualité avec le Seigneur. C'est-à-dire, lui donner vraiment la meilleure part de notre temps au Seigneur. D'où l'enseignement qui concerne la prière par les saints. Ça tombe en temps de distraction, comme le frère Jacques vient de dire par les saints. Alors, ça tombe en temps de distraction. Voilà. Comme le frère Jacques vient de le dire, tout ce qui est distraction, tout ce qui est discussion vaine, tout ce qui est passe-temps, qui ne nous apporte rien, nous devons véritablement les bannir de notre temps. Dans ces moments, j'ai pu bien comprendre que quand on vient véritablement du travail, quand on vient de nos différentes activités, quand on vient, c'est de se mettre tout de suite en connexion avec le Seigneur. C'est vrai que tout au long de la journée, avec la prière par l'Esprit, notre cœur est constamment lié par la prière au Seigneur. Même pendant qu'on est en train de travailler, notre cœur est en contact avec le Seigneur. Si vous voyez. Et donc, si par exemple, on est dans un service en train de travailler, on ne fait que ce qui est correct et ce qui est droit. S'il y a des discussions qui ne nous apportent véritablement rien, on n'a pas à aller se jeter dans cette discussion-là, on ne rien dit de bon. Si vous voyez, je préfère passer du temps dans la soupe. Peut-être que tu es devant ton ordinateur pendant que tu travailles, dans ton cœur intérieur là-bas, tu es en train de prier. Seigneur, viens dans mon cœur. Seigneur, je désire ta présence. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin de ton esprit. Si vous voyez. Donc, ce que le frère Jacques dit, c'est vrai. Et comme le frère Aristide a dit, vraiment dans les téléphones, si on avait l'habitude de passer du temps à lire les journaux, passer du temps à écouter des émissions sur YouTube, tout cela, on doit les bannir et consacrer tout ce temps-là véritablement au Seigneur, à l'adoration au Seigneur. Oui. Amen, amen. Seigneur. Donc c'est important. Tu es à la maison, tu es seul dans la chambre, vraiment, tu te mets à genoux, tu te mets à méditer la parole, hein, les passages que le Saint-Esprit nous a donnés. Donc c'est vraiment autant d'instructions que nous devons prendre en compte et surtout éliminer. Mais dans on aura encore beaucoup plus d'éléments. Amen. Il ne s'agit plus de limiter l'état de prière, même si on n'a pas pu prier le matin, mais tout au long de la journée avec la prière du cœur. Est-ce qu'on peut rappeler un peu ce que c'est que la prière du cœur? La prière par l'Esprit Saint, non? Oui, la prière par l'Esprit. Est-ce qu'on peut... Oui, frère Jacques, tu as une idée? La prière par l'esprit. La prière par l'esprit, c'est-à-dire de la prière par le cœur. Quand tu as pu écouter l'enseignement sur la prière par l'esprit? Oui. Oui, qu'est-ce que tu as pu retenir par... La prière par l'esprit, c'est une prière qui se fait. Oui, elle est interne, elle est intérieure. C'est-à-dire, quelqu'un, bon, il va aller toujours sur les hommes du feu, il y a quelqu'un qui a été attaché avec la bouche, du côté, qui veut appeler au secours. Le Seigneur ne va pas se mettre à prier, mais c'est intérieurement qu'il va demander ce secours-là. Et c'est ce que si on peut faire sur une prière faite par l'Esprit. Amen, amen, amen. Donc c'est ça. Donc je pense que le frère a donné un enseignement où il a mis une image. Il avait dit que quand on dort et qu'on vient nous attaquer, est-ce que c'est le corps physique qui réagit? Non. C'est spirituellement qu'on réagit. C'est la bouche du cœur qui réagit. Donc le cœur doit être nourri. Hein, le cœur doit être nourri. Hein, l'homme intérieur doit être nourri par la parole. N'est-ce pas? L'homme du cœur doit être nourri par notre vie de sainteté. N'est-ce pas? Donc, l'homme intérieur, il est spirituel. Donc, c'est spirituellement que nous devons nourrir cet homme-là. Par la parole, par la vie de sainteté, par l'obéissance au Seigneur, nous fortifions l'homme intérieur. Donc, le cœur a une bouche. Le cœur a des oreilles et le cœur a des yeux. Donc, ce cœur-là, c'est lui qu'on appelle l'homme intérieur. Donc, en le nourrissant par la parole, n'est-ce pas? En nous sanctifiant, l'homme intérieur a de la force, voire à réagir. Donc, c'est dit que quand nous sommes là, c'est vrai qu'on peut parler physiquement avec quelqu'un, mais intérieurement, nous sommes en connexion avec le Seigneur. Voilà. Donc, la prière par l'esprit, c'est la prière, comme tu l'as dit, faite dans le cœur. N'est-ce pas? Donc, constamment, tout le long de la journée, pas par exemple, je conduis. Donc, le matin, pendant que je conduis, je fais une très longue distance dans mon cœur, là-bas, je prie. Ah, Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, vraiment, conduis ma voiture. Tu vois tous ces passagers, conduis-les jusqu'à bon port. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, j'aspire à ta présence. Seigneur, j'ai besoin de ton Esprit Saint. Donc, tout le long de la journée. Oui, oui. Alors, si c'est moi aussi, je voulais poser une question bon, pour faire une petite précision. Parce que, bon, disons que pour le marabout, bien le musulman qui se met aussi à respecter les paroles intérieurement, est-ce qu'on pourrait dire ce qu'il peut faire ainsi? On dit prier par l'esprit. Justement. On dirait qu'il n'est pas chrétien. Par quel esprit? On dit prier par l'esprit. Prier par l'Esprit Saint. Voilà, c'est ça. La prière que nous adresse au Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Merci pour la prière. Voilà. Donc, c'est la prière que nous faisons, c'est une prière que nous faisons à notre Seigneur Jésus-Christ. Le marabout, lui, a des dieux. Donc, lui, ça, c'est pas la même chose en fait. Mais merci pour la précision. Alors, mon frère. Oui, frère Jacques. Donc, ça veut dire que la prière du cœur, c'est la même chose que la prière par l'esprit, n'est-ce pas? C'est ça. En fait, c'est ça. C'est la prière du cœur. Donc, c'est une prière qui peut être faite à tout moment, à n'importe quel lieu. À n'importe quel lieu, sans que peut-être quelqu'un. Si tu te trouves dans un endroit où il y a assez de gens, que tu vas au marché, que tu vas à n'importe quel endroit, tu vas faire cette prière sans que personne ne sache que tu es en train de dire quelque chose à l'intérieur de toi. Tu es trop fort pour faire, c'est ça même. D'accord. C'est pour cela que les femmes doivent être constamment voilées. Voilà, les femmes, lorsqu'elles sont voilées, elles ont la possibilité, même dans la nuit, de prier. Même quand elles dorment, elles doivent être voilées, parce que dans la nuit, elles peuvent être en train de prier. C'est important. Si elles commencent spirituellement à mener la nuit, bon, voilà, avec ta femme, c'est important. Ah, merci ma soeur, ça c'est bien, c'est ce que tu as dit là, c'est bon. Tu aimerais parler. Amen. Mon épouse aimerait parler. Ok. Ma soeur, faut parler. Oui. Bonsoir à tout le monde. Ah, bonsoir, ma soeur. C'est par rapport à ce que vous venez d'expliquer, que l'âme a besoin de se nourrir de la parole de Dieu à tout moment. Que des fois, dans nos sommeils, il y a certaines attaques qui nous arrivent, mais le corps physique ne peut rien faire, mais que c'est l'âme que tu as déjà nourrie avec la parole de Dieu, c'est ça qui peut prendre la défense, combattre contre bon, toute attaque démoniaque. Donc par rapport à ça, la fois passée, j'ai eu un témoignage, quoi. J'ai eu un songe, un cauchemar par rapport à ça. Bon, j'ai eu un cauchemar bon, concernant mon bébé, quoi. Que bon, elle a mangé une nourriture qui a été à la personne de ne pas donner. Mais bon, comme c'est une personne que je ne connaissais pas comme ça, bon, j'ai été un peu tendre avec la personne et je me suis dit à mon intérieur que bon, je sais que rien n'arrivera à ma fille. Donc, si la personne a donné la nourriture à l'enfant. Donc, après, quelques minutes après, j'ai remarqué que l'enfant a changé de plan. Elle est stable. Bon, oh, j'ai remarqué en même temps quelque chose silencieuse, quoi. Donc, j'ai remarqué que quelque chose n'allait pas. En même temps, il y a bon, le psaume 23. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, bon, le psaume 23, je ne maîtrisais pas ça comme ça, mais à force que dans la journée, des fois, de temps en temps, je lis. Donc, la nuit, là, lors de ce cauchemar-là, c'est venu à moi et j'ai commencé par réciter ça. Je priais avec une grande ferveur en récitant le psaume-là. Donc, subitement, j'ai appelé mon mari, que devenu qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Donc, il n'a qu'à venir voir. Lui, il était et tellement, bon, il avait peur. Donc moi, je lui rassurais que moi, je sais que rien ne l'arrivera parce que j'ai déjà prié. Donc subitement, quand on était là en train de chercher les moyens pour l'amener à l'hôpital, j'ai remarqué que l'enfant commençait par vomir tout ce qu'elle a mangé. Et je lui disais qu'il n'a qu'à voir. Moi, je lui ai dit que j'ai déjà prié. Je sais que rien ne l'arrivera. Vous voyez. Donc, c'est une telle expérience que j'ai vu que, bon, avoir constamment la parole de Dieu proche de soi, c'est une meilleure chose. Et puis, le fait de temps en temps prier, prier par esprit en esprit, là, c'est une très mauvaise meilleure chose. Amen. C'est amen. Ça, c'est ce que je voulais dire. Amen, amen, amen. Merci, ma soeur, merci. Allô? Oui, mon frère. Allô? Je suis là, moi aussi, j'ai eu une expérience aussi qui s'est passée physiquement. Oui. C'est un incident, en fait, avec mes enfants. Parle un peu fort, t'as pas bien. Ah, allô? Oui, vas-y. Il disait avec les amis, après avoir fait le pape, trois jours après, on était parti sur la plage là. Pour aller s'abuser en fait. Vous m'entendez? Allô? Allô? Allô? Allô. Parle un peu fort, mon frère. Parle près du micro. Allô. Oui, frère ici. Oui, donc il disait, vous m'entendez? Oui, hein. Il disait, après avoir eu le bac, on était parti à la plage. Maintenant, tout à l'heure, on a mangé. Bon, on n'avait pas mangé de la corde. Vu qu'on était jeune, il n'y avait pas de la corde. Mais on a mangé, on a bu de la sucrerie. Et après, il m'est venu à l'idée comme ça, d'aller, j'étais dans l'eau pour nager. Oui. Au début, je ne voulais pas, mes amis étaient partis, ils nageaient pour eux, et moi, après, je suis devenu si entré. Et après, il nageait au fur et à mesure, il m'avançait, et à ce moment, la femme était toute comme une autre. Il m'avançait, maintenant, au moment du retour, je n'arrivais plus à me retenir. Il faut ça va pas. Et la femme essayait de me convaincre. Maintenant, parmi mes amis là, il y en a qui savaient nager. Mais quand ils ont vu les mouvements de vagues, et que c'était mon monté là. Allô? Oui, vas-y, continue. Ils ont eu peur, donc ils sont arrêtés sur la rive et puis ils me faisaient si. Vas-y, tente ta main. Vous voyez tout ce qu'ils faisaient, ça n'allait pas. Et il y a eu un moment où je me suis enfoncé dans le milieu de l'eau. Et ça, c'est moi, j'ai réalisé vraiment qu'il était en télépathie. Et ça m'a venu à l'effet. Je ne vais pas mourir, Seigneur, je ne suis pas dans ce monde, je ne vais pas mourir. Dans ton cœur, hein? Oui, oui. Non, j'étais vraiment apeuré, mais il m'est venu, c'est dans un calme que ça s'est passé. Il m'était calmé, vu qu'il était rentré. Et il m'était battu, il avait commencé à faler, à boire de l'eau là en grande quantité. Et il disait, je ne vais pas mourir, je ne vais pas mourir, Seigneur, je ne suis pas dans. Il sait qu'il est toujours content, mais je ne veux pas mourir sur moi. Je forçais tout. Ça n'allait pas. Et je n'ai pas arrêté de me regarder. Je m'avançais. Et il y a un rocher là, où à côté du rocher, il y a un couteau. Lui, mon voyage fait là-bas. Au fur et à mesure, je lui fais toutes ces paroles-là. Et dans mes départs, il avait un mot, mais puis on touchait le sol. Et c'est là, j'ai mis toutes mes dernières énergies. Et mes bras étaient affaiblis au niveau de mes épaules là. Parce que mon épaule, souvent, ça quitte, ça revient. Et tout était quitté dans le monde. Ça s'était déboîté. Mais il n'avait vraiment plus de force même. Et il a touché le sable. Je suis débattu de toutes mes forces. Et il a vu que je me suis sorti. Amen, amen, amen. C'était vraiment appelé. À part soudi, il n'est pas venu prononcer un mot jusqu'au lendemain. Mes parents, tout le monde était étonné. Qui ça, si c'est pas Dieu qui t'a sauvé, là, qui peut te sauver? Amen, amen, amen. Amen. Donc, il a fallu que, comme la sœur vient de le témoigner, que tu enclenches la prière hein, par l'esprit, pour que le Seigneur nous dise. Je me suis appelé cet événement. Voilà. Amen. Il s'en voulait même, j'ai pas même. C'est comme si j'ai encore pas passé quand il voit ce moment-là. Il ne peut pas dire là, maman, je ne t'ai pas dit. Amen. Donc ça peut être que... Avant, j'ai vraiment péché, mais si Dieu va te sauver comme ça, pour que tu vois, c'est que vraiment Dieu m'aime. Amen. Amen. C'est ce qu'il veut partager. Amen. Amen. Amen. Amen. Donc ça vous dit que simplement tout au long de ce jeûne du jeûne là, notre passe-temps favori, c'est la prière par l'esprit. Véritablement. Et la méditation. Et la méditation. C'est ça, c'est ça. Amen. Ok. Il y a aussi un enseignement que le frère vient de poster. On va chercher aussi à écouter. Chercher la face de Dieu en esprit. Voilà, donc je pense que moi, je ne vois pas comment je n'ai pas écouté ce enseignement. Donc, on prend note. Hein. Je pense qu'après l'enseignement, chacun va. Parce que il y a le test que j'aimerais qu'on lise aussi. C'est quel test? Jérémie 29, versets 13 à 15. Le test de Jérémie, verset 29, 13 à 15. Et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassé, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Cependant, vous dites, Dieu nous a suscité des prophètes à Babylone. C'est le verset 15. Amen. Tu peux le lire, tu peux le lire tout d'un temps. Jérémie 29, verset 13 à 15, n'est-ce pas? Oui. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassé, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Cependant, vous dites, Dieu nous a suscité des prophètes à Babylone. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce passage-là? Alors, oui. Le Seigneur Dieu est en train de nous rassurer que si vraiment nous le cherchons, on ne peut pas le chercher dans l'amusement. On doit le chercher vraiment, on doit avoir envie de le chercher réellement. Et si on le cherche avec un cœur entier, amen, et il va intervenir, il sera là, il va intervenir, parce que au fait il n'est pas trop loin, il n'est pas loin de nous, il est toujours à côté, mais ça dépend de la manière dont on le cherche. Amen. Amen. Amen. Juste pour ajouter, vous dit qu'on doit vraiment chercher le Seigneur avec un cœur entier et non avec un cœur partagé. C'est-à-dire que, en même temps qu'on réserve une partie de notre cœur pour le Seigneur, en même temps on a une autre partie pour les choses de ce monde. Ça c'est ça. C'est pas propre. Si on doit un pardon, si on doit donner un pardon à quelqu'un, il faut libérer son cœur pour que le Seigneur prenne toute la place que ne pas pardonner à quelqu'un et de pouvoir réserver une partie de son cœur là au Seigneur. Le Seigneur ne peut pas cohabiter dans un tel cœur. Amen, amen. Notamment la paix du Seigneur doit occuper constamment notre cœur. Si on se rend compte qu'il y a un trou qui perturbe notre cœur, alors il faut faire que le Seigneur vienne prendre toute la place. Amen. Après le Seigneur, directement, il y a la paix. Si on voit qu'il y a, pendant que notre cœur est en paix, il faut faire que notre cœur soit en paix. Si il y a un problème qui nous tourmente, le Seigneur est le maître de tous les problèmes. La Bible dit que son nom est au-dessus de tout nom. Voilà. Donc, s'il y a un mot véritablement qui mine notre cœur, voilà, nous devons tout faire pour que le Seigneur prenne toute la place hein, qu'il voudrait. Voilà. Et il dit lui-même, si nous le cherchons, il dit, si vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. C'est une promesse. Voilà, donc c'est une promesse. Donc c'est important. Alors mon frère. Oui. Cela nous ramène à. Alors je peux parler. Oui, vas-y. D'accord. Je dis par rapport à ce que tu étais en train d'expliquer, je pense que cela nous ramène encore à l'incrédulité, à l'enseignement sur l'incrédulité. Mm-hmm. Sur l'incrédulité. Lorsque nous. Dans l'enseignement. Nous ne sommes pas sûrs que Dieu va nous. C'est comme la main qu'on le cherche entièrement, qu'on sache qu'il va vous écouter. Allô, là, c'est. Allô, mon frère. Oui, il faut le prendre. Ah, j'ai un souci de réseau. Il faut le prendre, tu t'entends écouter là. Alors, j'étais en train de dire que. Alors, je peux parler maintenant, frère. Vas-y, oui. D'accord. Donc, je disais que pendant que tu étais en train d'expliquer, cela m'a ramené à un enseignement sur l'incrédulité. Mm-hmm. Sur l'incrédulité. Et ça m'a fait penser réellement que l'incrédulité joue un rôle important dans la recherche du Seigneur. Et lorsque le cœur est divisé, c'est divisé par quoi? Par les choses du monde, et par les choses du monde, tantôt on demande, mais on se demande est-ce que réellement ce qu'on est en train de demander, est-ce que Dieu va nous le donner? Mm-hmm. Donc, ça fait que nous ne sommes pas rassurés dans tout ce que nous demandons. Or, dans un enseignement, le frère disait que quand tu demandes quelque chose et tu n'es pas sûr que Dieu va te le donner, c'est comme si tu es en train de le tenter. Mmh, bien sûr, oui. Donc, si tu es en train de le tenter. Donc, il faut avoir un cœur vraiment entier en étant vraiment rassuré que celui à qui on est en train de parler, il nous écoute. Et puis, il nous écoute et il est censé nous répondre, quel que soit ce que nous lui demandons. Quel que soit ce que nous lui demandons. Donc, l'incrédulité nous empêche beaucoup dans ce domaine. Amen. Amen. Ok. Donc, comme le frère a dit, j'aimerais revenir encore sur certains points qu'il a arrivé. Donc, il a dit de passer du temps dans sa présence. Véritablement dans la méditation, comme la sœur l'a dit, et puis dans la prière par l'esprit, il a dit aussi de lui demander que le Seigneur se révèle à nous, que le Saint-Esprit prenne le contrôle de notre cœur, afin qu'il vive au travers de nous, demander au Saint-Esprit de venir dans notre cœur, notamment pris avec le cœur. Maintenant, j'aimerais qu'on parcourt un peu les passages bibliques que le frère a donné. Mais bien avant, j'aimerais qu'on lise le passage de 2 Timothée 2, 17. Je n'ai pas bien compris, frère. 2 Timothée 2, verset 19 à 20. Shalom, il y a toujours plus chez moi. Shalom. Shalom, oui, ma soeur. Mathieu a toujours brûlé chez moi. Je suis là, mais il y avait du bruit, c'est pour ça que Mathieu a toujours brûlé. Non, ça va bien, ça va. C'est bon, on doit s'abandonner totalement au Seigneur. Non, ça va. 2 Timothée 2. 2 Timothée 1. Verset 19 à 20. Oui. Alors je peux lire, frère? Attends. D'accord. Oui, vas-y. C'est vous compliqué. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Amen. Amen. Oui, comment est-ce qu'on a compris ça? Par ici. Oui. Allô. Oui. T'as mon frère. T'as fini. Oui, ce passage, on avait déjà évoqué dans une de nos réunions fantastiques. Mm-hmm. Et on a retenu que ça devait faire dans le cadre chrétien. Mmh. Les quatre chrétiens. Et on parle ici de vases d'honneur, c'est-à-dire les dons spirituels. Mmh. En faisant de la relation que nous avons avec le Seigneur, nous aurons des dons spirituels. Bien sûr, il faut avoir le Saint-Esprit d'abord. Et ce sont ces dons-là qui font que on parle ici de ceux que nous battons dans le Seigneur. Dans le ministère du Seigneur, ainsi les récompenses qui nous seront aussi concédées. Tous les vases d'honneur, et aussi les différentes vases qu'on voit dans la maison. Mmh. Amen, amen. Oui, tu veux dire quelque chose, fais ça que tu veux parler. Tu m'entends, Jacques? Oui, vas-y. Deuxième partie du verset. Dis quiconque. Un micro, frère Jacques, s'il te plaît. Quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Donc, pendant ces moments de jeûne-là, il n'y a pas de délire. Oui, vas-y, parle fort, papa du monde. Il n'y a pas de délire. Il faut vraiment s'éloigner de l'iniquité. Pas de l'iniquité selon le monde, mais l'iniquité selon la parole du Seigneur. Le Seigneur a déjà établi les fondements. Ce n'est pas nous qui lui définissons ce qu'est l'iniquité, ce que la Bible a appelé péché, comme mon autre frère m'avait dit, est péché. Donc, quiconque donc prononce le nom du Seigneur qui s'éloigne de l'iniquité. Et là, il faut vraiment être tranché. Les séparations qui doivent être faites, il faut le faire. Voilà, pour moi, c'est ce que je vais ajouter. Je pense que c'est clair. Donc, si nous désirons vraiment sa sainte présence, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est aussi sa sainte présence. La présence du Seigneur, elle est sainte. Donc, nous devons entrer en étant nous-mêmes saints. Donc, tout ce qui est iniquité, nous devons vraiment nous en séparer. L'iniquité, c'est transgresser la parole du Seigneur. Ce que la parole de Dieu dit, là, on doit l'appliquer. Si on marche contre cette parole-là, alors nous sommes dans l'iniquité. N'est-ce pas? Voilà. Donc, c'est à cela que le Seigneur nous appelle à l'obéissance, en fait, de sa parole. Et ici, il dit, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Nous devons servir le Seigneur, ou du moins, nous devons suivre le Seigneur de manière qualitative. C'est important. Dans notre engagement avec le Seigneur, nous devons vraiment y mettre du cœur. Voilà. Donc, comme il est décrit ici, voulons-nous être des vases d'honneur ou des vases d'un usage vil? Je ne le pense pas. Tous ces efforts que le Seigneur nous aide à faire, c'est véritablement d'être utile au Seigneur. Donc, c'est important ici. Donc, tout ce qui est iniquité, vraiment, séparons-nous-en et permettons au Seigneur de nous utiliser de manière utile. Amen. J'aimerais qu'on parcourt un peu le livre de Juges 7. Je pense qu'on avait lu la fois dernière. On va faire un peu un résumé de ce qu'on a pu comprendre de ce livre-là. C'est très important. Il y a tellement d'informations que le Seigneur livre à travers ce passage. Allô? Macha, c'est tout. Allô? C'est bon, chez moi, c'est pour ça que j'ai coupé. Ah, ok, ok. Le livre de Juges 7, on va faire résumé. Oui, oui, je suis là. Voilà. Qu'est-ce que tu as retenu de Juges chapitre, tout le chapitre 7 que nous avons lu la fois dernière? Qu'est-ce qu'on peut bien retenir de ce passage que nous avons lu la fois dernière? Tu m'entends, non? Dans ce chapitre. Oui, je n'entends pas parler. Oui, vas-y. Allô. Oui, vas-y. Ce que j'ai retenu dans ce chapitre-là, j'ai vu qu'au départ, il y avait au moins 22 000 hommes parmi le peuple qui se retournait. Et il y a 1000 qui sont restés. Mais le Seigneur a dit à Gédéon encore de... Allô? Oui, oui. C'est 10 000. Voilà. Oui, allô mon frère, il faut parler. Je peux reprendre ça, c'est tout. Maintenant, après ça, il y a eu encore un tri. Je dis ce que j'ai compris de ce chapitre, il y a eu deux trucs qui ont été faits. Quoi? Il a demandé à Gédéon d'envoyer les gens vers une source pour aller boire l'eau. Mais lui a dit que c'est de là-bas qu'il va faire le tri. Le truc qu'il a commencé à faire là-bas, le Seigneur l'avait ordonné que ceux qui vont laver l'eau avec la langue, c'est eux qui seront sélectionnés. Mais ceux qui n'ont pas lavé la langue, qui ont vu autrement et se sont retournés. Parce que quand ils sont sélectionnés, ils sont restés 3000 personnes. C'est-à-dire qu'ils sont en bas. 300 000 personnes. 300 000 personnes sans le combat. 300, c'est pas 300 000. Tu m'entends bien, 300 hommes. C'est eux qui ont pu aller au combat. Mais de ce chapitre encore, j'ai compris que Gédéon devait aller combattre les Madianites. C'est eux-mêmes qui ont donné le songe. Le Seigneur a fait descendre dans Gédéon là-bas pour pouvoir attendre ce qui allait se passer. Mm-hmm. Eux-mêmes, ils ont fait le songe, eux-mêmes, ils ont donné l'explication. Mm-hmm. Là, Gédéon savait qu'ils étaient déjà. Ils étaient déjà vainqueurs de ce. Comment on appelle? De ce combat. Mais malgré ça. Je sais qu'ils étaient là-bas, ils étaient au combat, mais ils n'ont pas combattu. C'est le Seigneur qui a combattu pour eux. Amen. Mm-hmm. C'est tout? C'est tout, ma sœur? Oui, pour le moment, c'est tout pour moi. Hein. D'accord. Frère Aristide. La fois passée, là, je n'étais pas là pour terminer avec vous. Ma connexion n'était pas bonne, donc je ne sais pas où vous êtes arrivé. D'accord. Frère Aristide, est-ce qu'on peut bien retenir de ce passage de Juges 7, chapitre 7? Tu l'as lu, non? Il n'y a pas participé à la communion. Je n'ai pas aussi lu le titre, mais j'ai lu le résumé que le frère Jacques avait fait. Et dans ce résumé-là, ce qui m'a marqué, c'est que la partie l'a défini ce qui était que la pélo. Allô? Oui, on t'entend, oui. Oui, et cette partie-là, il a dit qu'il s'agissait de la vigilance au fait. Et il a assimilé avec les animaux tels que les chiens, les chats, les lions. La façon dont ils croient l'eau. Mmh. En rapport de l'eau, c'est là avec que tu es d'une vigilance au moins bien assidue. Mmh. Et en faisant cela à notre, hein, il faut être vigilant avec tout ce qui se passe autour. Nous ici, on peut parler de la parole de Dieu. La parole de Dieu, on la rapporte. C'est pas qu'on vient l'avaler de façon à réciter, à maîtriser les paroles, mais à la prise de la foi de façon minutieuse et à garder sur notre cœur. C'était un secret qui puisse nous aider à être vigilants sur les différents phénomènes qui se passent sur notre époque ici, qui peut être susceptible, qui peut encore être un moyen de nous faire trébucher dans la marche du Seigneur. Amen, amen. C'est tout? Non, c'est tout ce que je peux dire. Frère Jacques. Oui, allô mon frère. Oui, qu'est-ce qu'on peut bien retenir? Non, comme il y avait beaucoup de sujets. Allô, je peux parler mon frère? Oui, vas-y. Par rapport à ce passage, il y avait au départ beaucoup de gens d'Israël, ils avaient des ennemis. Maintenant, il fallait qu'ils combattent ces ennemis, les ennemis là. Alors, il fallait que Dieu intervienne pour pouvoir, pour que la victoire soit de leur côté. Les enfants d'Israël étaient très nombreux, ils étaient nombreux. Maintenant, le Seigneur ne pouvait pas utiliser ce nombre-là pour pouvoir, pour que la victoire arrive. Sinon, s'ils gagnaient, ils vont dire que c'est parce qu'on était très nombreux, c'est pour cela qu'on a pu gagner le combat. Maintenant, Dieu a décidé de diminuer le nombre de personnes. Il a diminué beaucoup et il ne restait que 10 000 personnes. Ils étaient, je pense, au niveau, ils étaient, je pense, au nombre de 32 000. Donc, 22 000 sont partis parce qu'ils avaient peur. D'après ce que le Seigneur avait demandé, si certains ont peur, ils ne peuvent pas aller au combat, ils n'ont qu'à désister en même temps. Que le Seigneur aussi fasse un tri. Alors le tri allait se faire à la manière dont chacun allait boire de l'eau. Amen. Maintenant, le Seigneur les a fait descendre dans une rivière et il a lui-même désigné ceux qui allaient être utilisés pour le combat. Parmi ces personnes, de personnes en amenant l'eau. Bon, ils ont dit comme chien, d'après la manière dont j'ai compris ça. Ceux qui devaient laver l'eau comme des chiens. Maintenant, ceux qui allaient se mettre à genoux pour boire de l'eau, ces personnes, cette catégorie de personnes, les personnes qui ont lavé de l'eau étaient au nombre de 300. Mm-hmm. Donc c'est ce nombre-là que le Seigneur a utilisé pour amener à nous, nous apprendre que la victoire, c'est le Seigneur qui a remporté la victoire, ce ne sont pas les hommes. Donc au cours de ce combat, il y a des suivre afin de remporter cette victoire. Et ces instructions sont données ça par le biais de son serviteur Gédéon. Donc Gédéon recevait des instructions et le peuple les a respectés. Il a finalement remporté la victoire. Mais quand on regarde cette victoire, Israël n'ont pas eu à combattre beaucoup. Ils n'ont pas dans le camp. Allô? Commencez pas à s'entretuer, mais allô? Oui, ta connexion n'est pas bonne. C'est entrecoupé là.